السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أديد dans son noble livre: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dit: ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, et c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Le fait d'être guidé à l'islam et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc une immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et une énorme miséricorde. Et c'est certes par cela que le croyant doit se réjouir, et ce, car ceci est meilleur que tout ce qui pourrait être rassemblé comme bien de la vie mondaine. Et parmi les choses qui réjouissent le croyant également, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la propagation de sa religion et l'union des prédicateurs sur la vérité. Nous remercions donc Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité ce séminaire et ses rencontres bénéfiques. Puis ensuite, nous remercions tous ceux ayant participé de près ou de loin à l'organisation de ce grand bien, ainsi que tous les participants. Jazahumullahu khayra. Et certes, le sujet de ce cours, qui est le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le droit des compagnons radiallahu anhum, est un sujet d'une très grande importance qui méritera en réalité une série de cours ou de conférences. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons donc nous contenter de mentionner certains droits de manière résumée afin de les connaître, de se les rappeler et de nous encourager à approfondir nos connaissances sur le sujet. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous accorder la réussite. Donc premièrement, concernant les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut aucun doute que l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Ce noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a choisi pour cette communauté, n'est autre que le meilleur des prophètes et des messagers, alayhi musallatu wassalam. Et certes, avant son envoi, les gens étaient plongés dans l'ignorance, dans les ténèbres du polythéisme et de la division. Allah subhanahu wa ta'ala a donc envoyé son noble messager sallallahu alayhi wa sallam afin de les sortir des ténèbres vers la lumière et de les orienter vers le bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. C'est lui qui a fait descendre sur son serviteur des versets clairs afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager des leurs qui leur récite ses versets et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Ansar lors de la bataille de Hunayn: ô vous les Ansar, ne vous ai-je pas trouvé égarés et Allah vous a guidés de par ma cause? Ne vous ai-je pas trouvé divisés et Allah vous a unis par ma cause? Ne vous ai-je pas trouvé pauvres et Allah vous a enrichis de par ma cause? Ne vous ai-je pas trouvé humiliés et Allah vous a honorés de par ma cause? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous sont donc très nombreux. Et parmi ceux-ci, premièrement, le fait de croire en lui, en sa prophétie et en son message. Et ceci est sans aucun doute le plus grand et le plus important de ces droits. En effet, l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un des deux piliers de l'attestation de foi qui est la clé pour entrer en islam. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de croire en son messager dans de nombreux passages de son noble livre, tels que sa parole subhanahu wa ta'ala, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Croyez donc en Allah et en son messager, ainsi qu'en la lumière que nous avons fait descendre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh radiallahu anhu, lorsqu'il l'envoya prêcher au Yémen, il lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'unifier Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Le fait de croire en lui sallallahu alayhi wa sallam est donc le plus grand de ses droits. Et cela implique de croire en sa prophétie, de croire à l'ensemble de ce avec quoi il est venu, et de croire qu'il a été envoyé à l'ensemble des djinns et des hommes. Il faut donc croire en cela avec son cœur, l'attester avec sa langue et œuvrer selon ceci. Ensuite, le deuxième droit parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam est son obéissance sallallahu alayhi wa sallam, et ce en suivant ses ordres et en s'écartant de ce qu'il a interdit. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'obéissance à son messager dans de très nombreux passages de son livre. L'imam Ahmed, rahimahullah, a même mentionné que cela était présent dans plus de 30 versets du Coran. Et parmi ceux-ci, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu, ati'ullaha wa rasula, wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Toute ma communauté entrera au paradis, mis à part ceux qui refusent. Ils dirent: Ô messager d'Allah, qui va donc refuser? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura certes refusé. L'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc un des plus grands droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une des plus grandes obligations pour le musulman. Ensuite, le troisième de ces droits sallallahu alayhi wa sallam est le fait de le suivre, de suivre sa sunna et de prendre exemple sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Ainsi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset a été nommé le verset du test ou de l'épreuve par les pieux prédécesseurs. Et ce, car ce verset est un test pour tous ceux qui prétendent aimer Allah, subhanahu wa ta'ala. En effet, s'ils sont sincères dans leur prétention d'aimer Allah, alors ils se doivent de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il convient donc aux musulmans de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre exemple sur lui, car il est certes le meilleur des exemples, sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ensuite, le quatrième de ses droits, sallallahu alayhi wa sallam, est le fait de l'aimer. De l'aimer plus encore que notre propre famille, que nos enfants, que nos parents et que l'ensemble des gens. Comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre vous ne sera réellement croyant que lorsque je serai plus aimé pour lui que son père, son fils et l'ensemble des gens. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, trois choses, celui qui les possède goûtera à la douceur de la foi. Et parmi ces trois choses qu'il a mentionnées, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'Allah et son messager soient plus aimés pour lui que quiconque. Aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est donc un de ses plus grands droits, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une des plus grandes obligations pour le musulman. Et certes, il ne fait aucun doute que l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, implique de le suivre, d'obéir à ses ordres, de s'écarter de ses interdits, de s'accrocher à sa sunna et de s'éloigner de toute innovation. Ensuite, le cinquième de ses droits, sallallahu alayhi wa sallam, est le fait de l'honorer, de lui porter un grand respect et de reconnaître sa dignité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Nous t'avons envoyé en tant que témoin annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissez sa dignité et le glorifiez matin et soir. C'est-à-dire, pour que vous honoriez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et reconnaissiez sa dignité, et pour que vous glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Il convient donc de porter un grand respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas se comporter avec lui comme avec le reste des créatures. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: La taj'alu du'a ar-rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressez les uns les autres. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih, wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Il convient donc aux musulmans de ne pas devancer Allah et son messager, et également d'honorer et de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, le respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort consiste à prêter attention lorsqu'il est mentionné ainsi que sa sunna, à étudier sa biographie, à prendre exemple sur lui et également à étudier sa sunna, à l'appliquer, à y appeler et à la défendre. Ensuite, le sixième droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à lui donner sa juste valeur sans négligence et sans l'élever à un rang qui n'est pas le sien. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur et un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Il convient donc de le respecter, de l'honorer et de reconnaître sa dignité comme cela a précédé. Cependant, il ne faut pas l'élever au-dessus de son rang en lui vouant des adorations en dehors d'Allah. Et ce, car l'adoration est un droit exclusif d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il a dit Jalla wa ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc été envoyé pour nous orienter vers le bien, nous mettre en garde contre le mal et être pris pour exemple. Cependant, il ne peut rien pour nous en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut donc pas l'élever au-dessus de son rang en lui vouant des adorations en dehors d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre à ce sujet: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada, qul inni lan yujirani min Allahi ahad, wa lan ajida min dunihi multahada. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous nuire, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Dis, vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai refuge en dehors de lui. Il convient donc aux musulmans de donner sa juste valeur au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais sans l'élever au-dessus de son rang. Ensuite, le septième des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fait de revenir à son jugement lors des divergences, de revenir à sa sunna et à sa législation, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur aboutissement. Et il a dit, Jalla wa'ala, Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettront complètement. Il est donc obligatoire pour le musulman lors des divergences de revenir au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le huitième des droits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le fait de prier sur lui, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Priez sur moi, car votre prière me parvient, peu importe où vous vous trouvez. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Et les hadiths à ce sujet sont certes très nombreux. Il convient donc de multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore plus particulièrement dans les moments où un mérite spécial a été rapporté, comme le jour du vendredi, après avoir répondu au muadhdhin, au moment de rentrer dans la mosquée, lorsque son nom est mentionné, etc. Fallahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ensuite, le neuvième droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fait d'aimer les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les gens de sa maison, ses femmes et ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. En effet, il n'est pas possible d'aimer réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mis à part en aimant sa famille qui a cru en lui, ainsi que ses femmes et ses compagnons qui l'ont secouru et nous ont transmis sa noble religion, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous amène donc à parler du deuxième sujet de cette conférence, qui est le droit des compagnons, radiyallahu anhum. Donc premièrement, quelle est la définition des compagnons, radiyallahu anhum, dans la législation? Les compagnons dans l'islam sont tous ceux ayant rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant en lui, puis sont morts en étant musulmans. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont donc ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorés par la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les droits de ces nobles compagnons, radiyallahu anhum, premièrement, le fait de les aimer et de n'avoir aucune rancœur envers eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Et ceux qui sont venus après eux disent: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas dans nos cœurs de rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le signe de la foi est d'aimer les Ansar, et le signe de l'hypocrisie est de détester les Ansar. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est donc obligatoire pour le musulman d'aimer les compagnons, de les respecter et de n'avoir aucune rancœur envers eux, radiallahu anhum. Et ce, car ce sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam. Les aimer fait donc partie des fondements de la sunna qu'il convient de connaître, d'appliquer et d'enseigner à nos familles et à nos enfants. Il est d'ailleurs rapporté que Malik ibn Anas, rahimahullah, a dit: les salafs enseignaient à leurs enfants l'amour de Abu Bakr et Omar, tout comme ils enseignaient une sourate du Coran. Ensuite, le deuxième droit des compagnons, radiallahu anhum, est le fait de reconnaître leur mérite, leur droiture et le fait qu'ils sont les meilleurs de la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, les preuves de leur mérite sont très nombreuses dans le livre et la sunna. Et parmi celles-ci, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers croyants, parmi les émigrés et les ansars, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de Uhud en or, cela n'atteindrait pas la poignée ni même la demi-poignée de l'un d'entre eux. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui sont venus après eux, puis ceux qui sont venus après eux. Les meilleurs de cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont donc les compagnons, radiallahu anhum, et à leur tête, les califes bien guidés, puis les 10 promis au paradis, et ainsi de suite, dans l'ordre de mérite mentionné par les savants de la sunna et du groupe. Ensuite, le troisième droit des compagnons, radiallahu anhum, est le fait de prendre exemple sur eux et de comprendre les textes selon leur compréhension. Et ce, car ils ont assisté à la descente des textes et les ont compris directement auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Leur voie est donc la meilleure des voies et c'est elle qu'il faut impérativement suivre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Alors, s'ils croient à cela même en quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors, Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les enfants d'Israël se sont divisés en 72 sectes, et ma communauté se divisera en 73 sectes. Tous seront en enfer, sauf une. Ils dirent: qui est-elle, ô messager d'Allah? Il répondit: ce sont ceux qui suivent ce sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. Celui donc qui souhaite comprendre correctement les textes du livre et de la sunna se doit de les comprendre selon la compréhension des nobles compagnons, radiallahu anhum. Ainsi, il atteindra le succès et l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce, car il fera partie de ceux les ayant su avec bienfaisance, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Et ceux qui les suivent avec bienfaisance, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ensuite, le quatrième droit des compagnons, radiallahu anhum, est le fait de ne pas mentionner leurs éventuelles erreurs et péchés. Certes, il est possible qu'ils tombent dans certaines erreurs ou dans certains péchés, car ils ne sont pas infaillibles, mais cela n'est rien comparé à leur océan de bonnes actions, à leur secours du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à leur propagation de la religion. Donc parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe, le fait de ne porter aucune rancœur envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne les mentionner que dans le bien, radiallahu anhum. De même, les gens de la sunna ne parlent pas de ce qui a pu arriver comme discorde entre les compagnons, radiallahu anhum. Et ce, car beaucoup de ce qui a été rapporté à ce sujet n'est pas authentique. Et même ce qui a été rapporté d'authentique sur le sujet est basé sur un effort d'interprétation de leur part. Donc soit ils auront vu juste et auront de récompenses, ou soit ils se sont trompés, ils auront alors une seule récompense pour leur effort d'interprétation. Radiallahu anhum. Ensuite, le cinquième droit des compagnons, radiallahu anhum, est le fait de détester ceux qui les dénigrent, comme les Rawafid et leurs semblables, de les rejeter et de les réfuter pour ceux en ayant la capacité. Et ce, car le musulman se doit d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'anse la plus solide de la foi est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani. Il convient donc aux musulmans d'aimer ce qu'Allah aime, et parmi les créatures les plus aimées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, il convient aux musulmans de détester ce qu'Allah déteste. Et parmi les gens les plus détestés auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a ceux qui dénigrent les nobles compagnons, radiyallahu anhum. Ensuite, pour finir, le sixième parmi les droits des compagnons, radiyallahu anhum, est le fait d'invoquer pour eux et de demander le pardon et l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour eux. Allah, jalla wa ala, a dit: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Et ceux qui sont venus après eux disent: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères nous ayant précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs de rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Voilà donc, en résumé, certains droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, radiallahu anhum, qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous aide à les appliquer et à suivre le noble Coran ainsi que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce, selon la compréhension des compagnons, radiallahu anhum, hadha. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد